1, 2, 3, ça marche. Ça sera pas long. C'est un monsieur qui a dessiné toutes les différents passages de l'Apocalypse. Il a fait des dessins. Je vais m'en servir pour résumer où ce qu'on est rendu. Bon, j'ai avancé. Je ne devrais pas avancer. S'il vous plaît, mon frère Émile, ça va être plus beau. Donc, l'Apocalypse, on a vu ensemble que c'était l'apôtre Jean, qui se trouve sur quelle île? L'île de Patmos. Il est là pourquoi? Il était pendant des vacances, c'était l'hiver. Il était en prison. L'île de Patmos était une prison. Comme Alcatraz, c'était une île, c'était une prison. Ça, c'était l'île de Patmos, c'était une prison. Et il n'y avait pas de mur, mais il ne pouvait pas s'évader à cause c'était la mer. Et Jean est là, et pendant qu'il est là, Jésus vient le voir, ou Dieu veut lui parler, et on a vu que Dieu parle à Jésus, Jésus a parlé à un ange, l'ange va parler à Jean, et Jean va parler à l'Église, à travers son livre. Mais c'est Jean qui est là. Et pendant qu'il est là, pendant cette vision-là qu'il y a de Jean, il y a une vision de Jésus. Jésus se présente à lui. Et il y a dans ses mains des étoiles, il y en a sept, qui représentent les entendu une voix de l'Église. Il y a sept chandeliers qui représentent les Églises. Et il y a dans sa bouche, ce qui sort là, c'est pas tellement visible, mais c'est un épée qui sort de sa bouche. De grandes eaux. Comment est-ce que le... Il y a quelque chose à parler, puis c'est pas doux comme un petit murmure. Il parle à l'Église. Il va s'adresser à cette Église. Vous voyez les petites étoiles au milieu, là, en Asie. Cette Église qui existait dans ce temps-là. Il faut toujours commencer. Si vous voulez bien comprendre l'Apocalypse, il faut vous dire que ça a été écrit à des gens qui existaient, qui vivaient à ce moment-là, qui ont reçu le livre et que ça les a fait du bien à eux. Ce n'était pas écrit pour ceux seulement qui verraient la fin des temps, pour savoir qu'est-ce qui se passait à la fin des temps. C'était écrit pour toute l'Église dans son ensemble, mais c'était écrit à des gens qui vivaient et qui ont reçu le livre devant eux. Ensuite, quand il arrive au chapitre 4, il dit, « Monte ici. » Il dit, « J'ai vu une porte ouverte sur le ciel. » Il dit, « Montre ici, je vais te montrer ce que l'avenir nous réserve. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est le ciel qui connaît l'avenir de la terre. Fait plus que la connaître. On va voir ensemble qu'il la contrôle. Fait pas juste la connaître. Il la connaît parce que c'est Dieu qui l'a créé au chapitre 4. Il la contrôle parce que c'est Jésus qui le contrôle au chapitre 5. C'est lui qui contrôle. Et on se souvient que quand il est arrivé au chapitre 4, il a monté et il a vu un trône avec un arc-en-ciel autour. Il a vu des ailes qui chantaient, les 24 vieillards. Vous voyez les 24 vieillards de chaque côté. Et il y avait aussi quatre anges, quatre êtres spéciaux avec des ailes, une tête de bœuf, tête de lion, tête d'humain, tête d'aigle. Je ne sais pas pourquoi ça représente tout ça. Il y en a qui disent que ça représente tout ce qu'il y a sur la terre. Mais en tout cas, toute la gang ensemble, là, je n'ai pas aimé que le bœuf me regarde. J'aurais dû être venu au bord et regarder le trône. Parce qu'ils sont tout autour du trône et tout le monde adore celui qui est sur le trône. Et on a vu que dans ce chapitre-là aussi, que tous les vieillards jettent leur couronne aux pieds de Dieu parce que c'est Dieu qui contrôle. Parce que nous, on a tendance à dire, on jette nos couronnes parce que la gloire lui revient. Mais dans le contexte, ces gens-là jettent leur couronne parce que c'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu qui a créé le monde et c'est Dieu qui est digne de toute louange, de toute adoration. Au chapitre 5, il nous apparaît, Dieu a un rouleau dans ses mains, mais il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Et là, il y a un ange qui présente un personnage qui présente comme étant un lion, une brebis immolée avec sept yeux, sept cornes. Les deux signes, là, c'est l'alpha et l'oméga. Et on sait que nous autres, c'est Jésus. Et lui, il prend le livre et ouvre le livre un saut après l'autre et enclenche sur la terre, sur le monde, il demande son contrôle par le fait qu'il rouvre le livre et qu'il rouvre les sceaux et qu'il donne des ordres. On a vu les quatre premiers, les quatre chevaliers de l'Apocalypse. Le premier qui est à droite, à blanc, on a vu que c'était le contrôle sur ce qui régnait, sur le monde politique. Ensuite, ça, vous avez le rouge, qui est le contrôle sur, il leur donne le contrôle d'enlever la paix dans le monde, contrôle sur la guerre, contrôle sur ces choses-là. Ensuite, on a vu le cheval noir, avec ses balances, il y a un contrôle sur le monde économique. Et ensuite, ça, c'est le cheval vert d'autre, contrôle sur la mort, il dit, fait mourir le corps des gens sur la terre. Donc, il faut bien se penser, là, on les présente comme des macabres, des espèces de têtes de mort, et des gens méchants, mais souvenez bien, c'est Jésus qui contrôle. C'est pas eux autres qui contrôlent. C'est Jésus qui rouvre les seaux, puis il dit, hey, il donne à un une couronne, puis il dit à l'autre, va faire ci, puis il dit à l'autre, va faire ça. C'est lui qui contrôle. C'est pas ces bébêtes-là qui contrôlent. C'est lui qui est derrière, ça qui commande, c'est Jésus. Il ne faut pas oublier ça. Ensuite, on a vu que ça, c'était les quatre premiers sauts. Le cinquième saut, ça, c'est une grosse hôtel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais c'est une grosse hôtel. Il y avait dessous l'hôtel des milliers de chrétiens qui étaient morts, martyrs. Qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Vengeance. Comment tant tu vas attendre pour nous venger? Et Jésus ne dit pas, c'est pas digne des chrétiens, ça, là, c'est pas digne des saints dans le ciel. Non, non, il dit, ce n'est pas le moment tout de suite. Je vais vous venger un petit peu plus tard. Parce qu'il y en a d'autres qui vont mourir, martyrs aussi, qui vont vous joindre. Donc, Jésus a le contrôle. Il pourrait arrêter ça, mais il ne l'arrête pas. Il a le contrôle, il va mettre fin à ça. Il va faire mourir tous ceux qui ont fait mourir les croyants. Ça, c'est le sixième saut. On a vu que ça l'emmenait. C'était des catastrophes humaines, des tremblements de terre. Là, ils ont des ouragans. Aujourd'hui, pour le mec contextuel, il y aurait une grosse vague, un tsunami qui arrive. Si on voudrait mettre ça contextuel à ce qu'on vit aujourd'hui. Et qu'est-ce que les hommes crient au sixième saut? Souvenez-vous? Montagne, tombez sur nous. Cachez-nous de la colère de l'agneau. Car sa colère est grande. Ça, c'est le sixième saut. On s'est rendu là la semaine passée. On est allé aussi au septième. Le septième, c'était Jésus qui ouvre le sixième saut, mais ça l'enclenche les sept trompettes. Et aussi, il y a les sept coupes après. Mais entre le sixième et le septième, il y a un temps d'arrêt, là. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est que ce que lui exprime ici, je marquais ça, le marquage des saints, où il va sceller ses serviteurs. La semaine prochaine, on verra les autres images, les autres semaines après. Pas la semaine prochaine, je ne suis pas là. Les autres, on va finir pour qu'on avec les images à un moment donné. Merci, mon frère Émile. Mais ce matin, on est rendu au chapitre 7. Et au chapitre 7, c'est le moment où est-ce qu'on va marquer les serviteurs de Dieu. Il y a vraiment beaucoup d'interprétations pour ces choses-là. Il y a toutes sortes d'interprétations sur toutes sortes de livres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez entendu dans le passé. Il y a des gens qui disent que ces gens-là, ces 144 000-là, c'est des Juifs, les 144 000 Juifs qui vont être sauvés pendant le temps des tribulations et qui vont devenir des évangélistes pendant le temps des tribulations et le temps du Milan. D'autres disent que c'est l'Église. C'est l'Église qui est représentée par ce chiffre-là. D'autres disent que c'est les démons de Jéhovah. Il y a juste 144 000 témoins de Jéhovah qui vont aller au ciel. Les autres vont rester sur la terre. Et ces 144 000-là, c'est des témoins de Jéhovah qui vont monter au ciel, qui vont régner avec Dieu. Il y a toutes sortes d'interprétations sur ce sujet. Je suis fasciné de voir, des fois, comment est-ce qu'on peut écrire longtemps puis manquer le but complètement du texte. Qu'est-ce que le texte veut nous dire? Veux-tu qu'on s'astine à savoir c'est qui? Je ne crois pas que c'était ça le but de Jean. Je chapitre 7, verset 1. On va essayer de trouver ensemble le but et de tirer le principe, l'enseignement. Et si vous voulez avoir différentes interprétations, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas manquer le but. Il ne faut pas manquer le but du texte. Pourquoi il est écrit? Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Et ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait donné de faire du mal à la mer et à la terre. Et il dit, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Là, il nous dit pourquoi qu'il va les marquer. C'est quoi le but? Il y a quatre anges qui sont là et qui tiennent les quatre vents de la terre et ils veulent faire du quoi? Du mal à la terre et aux gens de la terre. Et qu'est-ce que l'ange dit? Minute. Il faut que je marque d'un sceau les serviteurs de Dieu avant. Pourquoi? Parce qu'on va voir en Dieu un peu plus loin, chapitre 9, tous ceux qui sont marqués sur le front, ou sont marqués de Dieu, qui ont reçu le sceau de Dieu, ne vont pas être punis des jugements de Dieu. Le but des marqués, c'est qu'ils ne vont pas être malmenés par les quatre anges. C'est ça le but. C'est ça, qui que ça voudra? Une chose est certaine, c'est ceux qui sont scellés qui ne recevront pas, excusez l'expression, la marde qui va tomber du ciel. C'est ça qui est important de se souvenir. Que ce soit qui que ça voudra, c'est pas un gros problème, mais moi, ce que je veux, certain, pour moi, personnellement, c'est que je veux certain que j'ai le sceau. C'est ça qui m'intéresse. Je l'ai-tu maintenant, je l'ai-tu plus tard? Je veux avoir le sceau, parce que c'est ceux qui n'ont pas le sceau, ils vont avoir de la misère tout à l'heure. Parce que les jugements de Dieu vont tomber sur eux. C'est pas nouveau, ça. Connaissez-vous, c'est rare les chrétiens qui se souviennent que dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui parle de ça. Non. Non. Je dis, depuis que j'enseigne l'Apocalypse, ça fait proche de 15 ans, j'ai jamais vu un chrétien me dire qu'il y avait un texte dans l'Ancien Testament qui disait la même chose que ça. Pourtant, ce n'est pas la première fois que ça arrive, que ça se passe de même. On va le montrer, ben arrêtez, vous ne faites pas chanter, hein? Il dit, on attend ça, vas-y, montre-le. Ta-da! On va vous montrer. Ézéchiel, chapitre 9, versets 1 à 6. On va lire ensemble. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, c'est Dieu qui parle, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, belle grande robe blanche, et portant un écritoire à sa ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Un écritoire, c'est ça, c'est comme chose pour écrire, hein? C'est un sceau, c'est une espèce de sceau. Regardez-moi. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Il se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, c'est pareil comme s'il avait écouté, vous voyez qu'est-ce qu'il va dire aux autres. Il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Commencez dans la maison de Dieu. Drôle, hein? Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ce n'est pas nouveau, ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à un ange, passe dans la ville de Jérusalem et marque d'un sceau ceux qui pleurent pour mon nom. Ceux qui sont tristes de voir toutes ces abominations qui sont dans ma ville, qui sont dans mon temple, marque-les. Puis dis aux autres de passer après lui et tuer tous ceux qui ne sont pas marqués. C'est les anges qui font ça. Hein? Dans le texte, c'est les anges, oui. Non, non, je crois que ça s'est passé dans ce moment-là. Ça s'est passé dans ce moment-là. Parce qu'ils vont venir après. Dieu va faire, souvent, les dieux vont venir et vont intervenir dans cette semaine par des plaies, par des catastrophes, par toutes sortes de choses. Puis ils tuent du monde par milliers, par 10 000, par 20 000, des fois par 100 000. Mais une chose, il y a des chrétiens qui vont croire que c'est prophétique de la fin des temps. Mais c'est pas ça, moi, ça n'a pas une grosse importance. Moi, je crois que ça s'est passé dans ce temps-là. Mais ça l'image très bien, ce qui s'en vient dans la fin. Dieu, pourquoi est-ce qu'il avait marqué les gens dans la ville? Pour éviter que le jugement les frappe. Et je crois que dans le livre de l'Apocalypse, c'est la même vérité. Il s'en vient sur la terre un temps de jugement effroyable. Et Dieu doit marquer avant ses serviteurs. Parce que vous savez, les anges ne sont pas omniscients. Donc ils ne savent pas si Joe Blow, il cite les chrétiens ou pas. Mais Dieu va marquer d'un sceau Joe Blow. Ou Tipeee. Il y en a qui m'appellent Tipeee, n'est-ce pas? Pour que les anges sachent que j'appartiens à Dieu et qu'ils ne doivent pas me toucher. C'est important, ça, de savoir ça. Donc, dans notre texte ce matin, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 7. Il dit, avant d'enclencher les 7 trompettes et les 7 coupes qui vont manifester la colère de Dieu, la colère de l'agneau, il dit, avant ça, laisse-moi du temps, je n'ai pas encore fini de marquer du sceau de Dieu ceux qui lui appartiennent. Lisons à partir du chapitre 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 de la marquée du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils s'écriaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen, louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus de faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. » Tu aurais dû me le dire avant, tu peux. Tu y étais. Faites signe d'instant. Oh boy. Des fois, ça ne marche pas comme ça le matin. OK. Jusqu'à date, on a vu, du verset 1 à 3, il manque la raison de leur identification. Pourquoi il les a identifiés? C'est afin que les jugements de Dieu ne les atteignent pas. Il les marque pour que les anges ne les frappent pas. Ça, c'est la première raison. Et on va voir au chapitre 9, quand les sauteurs vont sortir de l'abîme, c'est une des sept trompettes, et va dire, faites du mal aux gens de la terre, mais ne touchez pas à ceux qui sont marqués du sceau. Et dans le contexte, on est obligé de croire qu'il fait référence au chapitre 7, parce que dans l'Apocalypse, il y a juste une gang qui était marquée du sceau, c'est 144 000. Il les identifie avec quoi? Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Quel est donc ce sceau? La Bible en parle à différentes reprises. Que Dieu a un sceau, puis il marque les gens qui lui appartiennent. On le sait dans Apocalypse 3, on a dans Apocalypse 14, on a dans Apocalypse 22. Pour marquer que Dieu a marqué d'un sceau ceux qui lui appartiennent. Quel est donc ce sceau? On va voir aussi plus loin qu'il va y avoir une contrefaçon. Hein? Ceux qui ne sont pas de Dieu vont être aussi marqués sur le front ou sur la main droite de la marque de la bête. Cette semaine, j'étais avec un homme, on discutait au gym, puis à un moment donné, on a parlé de, en tout cas, lui, il dit, as-tu vu le film, l'Ouest sauvage? Puis c'est un gars qui aime bien la nature, puis tout ça. Puis moi, il a appris que j'avais eu une petite ferme, puis j'aime bien la nature. Donc, ça nous a fait un lien pour se parler ensemble. Là, remarquez, on a parlé dans l'Ouest. Il dit, à cette heure, c'est plus comme ça, ça ne marche plus comme ça. Dans l'Ouest, ça marche encore. Mon frère a travaillé sur un ranch dans l'Ouest. Et dans l'Ouest, il n'y a pas de clôture où les vaches packagent. On envoie toutes les vaches dans le même package pendant tout l'été. Toutes les vaches. Mais quoi? Ils sont tous brandés, tous marqués, hein? Ils sont tous scellés d'un sceau pour chaque propriétaire. Chaque propriétaire a son étampe. Et à l'automne, ils ramassent toutes les vaches, ils en mettent ça dans des gros parcs, et là, chaque cultivateur ramasse ses vaches qui sont marquées. Et le veau, qui n'est pas marqué, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il suit sa mère. Donc, si sa mère, ça va pas, le veau, il la suit, mais le veau appartient à ce cultivateur-là. C'est pas le choix. C'est pas le choix. Puis là, rendu au banc, qu'est-ce qu'on fait? On marque le veau. Donc, le marquage, c'est pour marquer l'appartenance. Ici, dans l'Apocalypse, on divise le monde en deux gangs. Ceux qui sont marqués du sceau de Dieu et ceux qui sont marqués du sceau de la bête. C'est simple à comprendre. C'est juste une façon de marquer. Avec quoi est-ce que Dieu marque les croyants? Le sceau des croyants, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il dit ça dans Éphésiens à plusieurs reprises. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le sceau ici, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une marque réelle sur le front de quelqu'un. Je ne pense pas personnellement. Parce que la marque n'est pas pour le gouvernement. C'est pas pour que le gouvernement sache que je suis un chrétien. Il y en a qui disent ça, ah, François, il faut que ce soit visible parce que les autres ne sauront pas que je suis chrétien. C'est pas pour eux autres que c'est important. C'est peut-être important pour les... Non? Les anges dans le texte. Parce que les anges ont mis les jugements de Dieu sur la terre. Et les autres doivent savoir qui frapper et qui pas frapper. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Donc il dit, avant d'aller faire du mal à la terre, laissez-moi marquer les autres afin que vous frappiez bon. Et je crois que les autres vont reconnaître l'Esprit de Dieu qui est dans le cœur de chacun, de ses enfants. Je crois que c'est comme ça que Dieu nous identifie. Dans tout le Nouveau Testament, du moins, c'est l'Esprit de Dieu qui est le sceau des croyants. Et quand Dieu va venir chercher son Esprit ou son Église, la seule façon d'identifier les croyants, c'est par l'Esprit Saint qui habite en nous autres. Donc, le moyen, c'est le sceau de Dieu. Dieu les identifie avec un sceau, et je crois personnellement que c'est le Saint-Esprit. Et ça serait égal qu'à partir de la Pentecôte jusqu'à la fin, où ce que Jésus va venir faire, nouveau ciel, nouvelle terre, c'est tout le même sceau. Il n'y a pas une sceau pour une gang, une sceau pour les Nalettes, puis une sceau pour les Baptistes, puis un sceau pour les pour les Juifs, pas un sceau, pour les autres, c'est un sceau. Dieu n'a juste un sceau. Puis il marque tout son peuple du même sceau et qui est le Saint-Esprit. Le temps de l'édification, pendant combien de temps va-t-il en marquer de ces gens-là? Le texte nous dit qu'il y a un temps que ça va arrêter, du moins. Parce qu'il dit, tu commenceras, les quatre ans, vous allez pouvoir aller et amener la destruction sur la terre quand j'aurai fini de marquer les gens. C'est ça qui est sous-entendu, hein? Quand j'aurai fini de marquer tous les serviteurs de Dieu d'un sceau, là, vous pourrez faire du mal à la terre. Et vous allez voir, quand on va commencer chapitre 8, ça va commencer. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de sceau possible. Personnellement, je ne crois pas qu'il va y avoir des gens sauvés pendant le temps des tribulations. Parce que c'est le temps des jugements de Dieu. Et le temps de la grâce est terminé. Quand le temps de la grâce est terminé, c'est plus le temps de vouloir se convertir. Parce que le temps de la grâce est terminé. Et vous allez voir que quand Dieu va envoyer ces fléaux-là sur la terre, hein, puis on fait descendre toutes ces grandes catastrophes sur la terre, la réaction des êtres humains, c'est pas « Oh, on s'est trompé, Seigneur, pardonne-nous », c'est quoi? Ils sont en colère, puis maudissent Dieu, ils sont enragés après Dieu. On va le voir à toutes les reprises. Ils ne se repentirent pas. Ils ne se repentirent pas, mais ils lèvent le poing dans le ciel, puis maudissent Dieu d'avoir envoyé ce fléau-là. J'ai entendu ça cette semaine à cause du tsunami. Les gens qui maudissaient Dieu pour avoir fait une tafe. Si ça vient de Dieu, ils ne sont pas convaincus que ça vient de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, Dieu est méchant. Dieu est un méchant Dieu. De faire mourir du monde de même, des enfants, puis des femmes, puis toutes sortes de monde. Dieu est méchant. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça ne peut pas être Dieu. Dieu est trop bon. On ne peut pas faire ça. Voyez-vous? On rejette Dieu. Puis si c'est Dieu là, on ne l'aime plus ce Dieu-là. Parce qu'il ne devra pas faire ça. La réaction des inconvertis, ce n'est pas tout d'un coup qu'ils se repentent. C'est qu'ils sont encore de plus en plus en rébellion avec Dieu. Parce que Dieu leur enlève qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, le temps de l'édification, c'est jusqu'au septième sceau, où ce qui va allumer, ce qui va ouvrir cette trompette et cette coupe de la colère de Dieu. Donc, il y a un temps, moi j'appelle ça le temps de la grâce. C'est pendant ce temps-là que Dieu marque les siens. Il marque les siens. Avec son sceau qui est cet esprit. Il nous scelle. Il nous scelle afin qu'on puisse être reconnu pour le jour du jugement. L'identité, quels sont ceux-là maintenant? Quels sont ces gens-là? Ici, il les nomme ses serviteurs. Puis il dit que c'est 12 000 de chaque tribu d'Israël. Là, beaucoup de gens pensent que c'est 12 000 juifs. Si c'est 12 000 juifs et c'est des serviteurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes là-dedans. Si on le prend littéral, le texte, il n'y a pas de femmes là-dedans. C'est juste des hommes. C'est ses serviteurs qui sont marqués. C'est pas ses servantes, c'est ses serviteurs. Puis c'est juste des juifs. Juste des juifs. Il n'y a pas d'autres. Puis remarquez bien, ce n'est pas les 12 tribus ordinaires. Là, qui dit que c'est les 12 tribus, mais ce n'est pas les 12 tribus. Parce que les enfants de Joseph sont là-dedans. Ils n'ont pas d'enfants là-dedans. Pourquoi qu'il est malin? Je ne sais pas pourquoi qu'il est malin. Mais il dit, je regardais et j'ai vu 144 000, 12 000 de chaque tribu, qui avaient été marqués par le sceau de Dieu. On va voir en s'en allant que les serviteurs de Dieu, dans l'Apocalypse, c'est pas seulement des Juifs, c'est toutes sortes de monde. Il y a des hommes et des femmes. Mais vous avez remarqué que, vous allez voir aussi en s'en allant que, tout au long de l'Apocalypse, et remarquez bien, tout à l'heure on a vu que ces gens-là avaient ça avait été écrit aux gens d'Asie, hein, aux sept églises d'Asie, que c'est probablement Paul qui avait fondé. Quel était l'enseignement de Paul là-dessus? Tout au long de l'Apocalypse, on va voir, ils se disent juifs, mais ils ne sont pas. C'est nous les vrais juifs. Et c'est nous les vrais juifs. On va voir tout à l'heure. Si c'est des juifs, il y a juste 144 000 juifs qui vont éviter les fléaux. Les autres chrétiens vont les subir. Ça ne se peut pas. Impossible. Dieu ne va jamais abattre sa colère sur ses enfants. Jamais. Et je crois personnellement ici que l'auteur emploie, pour comprendre l'Apocalypse, souvenez-vous bien de ça, il y a 300 quelques références à l'Ancien Testament. Dieu parle de son peuple présent, qui est l'Église, comme il parlait de son peuple de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on voit le temple, on va voir l'Arche de l'Alliance tout à l'heure, de l'encens. Il parle comme l'Ancien Testament. Et son peuple, c'était des Juifs. Et c'est encore des Juifs, mais les Juifs spirituels. Comme il dit dans Romains, les vrais Juifs, c'est ceux qui sont circoncis maintenant de cœur. C'est nous autres les vrais Juifs. Il y en a 144 000. Pourquoi 144 000? Personnellement, je crois que c'est un chiffre symbolique. Tout à l'heure, on va trouver que la Nouvelle Jérusalem va avoir 144 coudées, 144 sur un bord, puis 12 par 12 par 12 par 12. C'est un chiffre symbolique qui représente la totalité de quelque chose. Chez les Juifs, le mot 12, c'est pour ça qu'il y avait 12 tribus, il va y avoir 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem, il va y avoir 12 apôtres, il va y avoir, qu'est-ce qu'il y avait aussi, les chambres dans le temple étaient divisées par 12, par 24. C'est un chiffre symbolique chez les Juifs. Comme un peu le chiffre 7 est un chiffre symbolique dans la Bible. Il dit, j'ai regardé et j'ai vu 12 000 de chaque tribu, il y en avait 144 000. Mais il y a un autre petit mot qui vient. Mais si vous voulez, il y a juste deux places dans la Bible qu'on parle des 144 000. Juste deux places. Chapitre 7 et chapitre 14. C'est drôle, hein? 7 et 14. C'est drôle, hein? 14. Allez voir dans le chapitre 14. Bon, ceux qui ne veulent pas aller voir, vous pouvez aller voir avec moi. Va l'allumer, ce coup-là. Et regardez bien, là, il parle des 144 000 encore. Et c'est la seule fois. On a deux places pour les identifier. C'est qui ces gens-là? Vous allez voir, et à partir de là, dites-moi, ou essayez de deviner par vous-même, de qui il parle. J'ai regardé, et voici l'agneau se tenir sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front, hein, marqué du sceau. J'entendis du ciel une voix, comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. En tout cas, ce gang-là, ils ont un cantique qu'ils vont chanter, que rien qu'eux autres qui peuvent chanter. Je crois que ça va parler du salut, parce que c'est juste eux autres qui ont été sauvés. Ça va parler du salut, parce que juste eux autres qui ont été sauvés. Les anges ne peuvent pas chanter ça, ils n'ont pas été sauvés. Juste les saluts. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et ce sont, remarquez-les maintenant, c'est qui? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Oui, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est tous des célibataires. En tout cas, qui est célibataire, c'est là? Il n'y a pas beaucoup. Il bon, faut faire attention à ce qu'on lit, hein? Ils ne se sont pas souillés. Puis là, je me suis dit, je suis souillé à cause de ma femme? C'est quoi cette histoire-là? Il ne faut pas que je dise ça à ma femme. Je lui ai dit d'aller travailler aujourd'hui aussi. Il ne faut pas que tu sois là parce qu'on va dire des affaires que tu ne dois pas entendre. Voyons, voilà tout ce qui t'est rendu. Quand ils sont vierges, ces hommes-là sont vierges, ça veut dire qu'ils ne sont pas juste pas de femmes, c'est qu'ils n'ont jamais eu de femme dans leur vie. Si on prend ça d'une façon littérale, physique, on a des problèmes anti-pères là. Hein? En tout cas, tu peux, il y a un problème. Parce qu'il a connu une femme, puis il est marié. Donc, il n'est plus vierge. Puis là, encore une fois, c'est juste des hommes. On a un problème, là. Comment ça qu'il y a juste des hommes auprès de Dieu, parmi les 140 000 qui chantent le nouveau cantique? Si c'est juste des hommes, on a un problème, là. Mes sœurs avaient un problème aussi. À copier comme nous autres. Moi, en tout cas, on est des hommes, mais on n'a pas le choix parce qu'on n'est pas vierge. Fait qu'on ne peut pas y aller, même. Fait qu'il faut faire attention. Dans la Bible, les femmes... Mes sœurs, prenez-les pas mal. Les femmes représentent quoi dans la Bible? La grande prostituée, la femme qui monte la bête écarlate. C'est quoi? C'est les mouvements religieux. Ça représente les mouvements religieux avec qui les gens se sont prostitués à de fausses religions. C'est ça les femmes, c'est ça. Les 144 000, ce sont ceux qui n'ont pas été vers d'autres religions. Des fausses religions, vers des prostituées spirituelles, qui sont vierges dans le sens que Paul il dit, je veux vous présenter, il dit ça à l'Église, hein, il dit ça dans la Corinthiens, je veux vous présenter à Dieu ou à Christ comme une vierge. Dans le sens vierge, vous êtes resté attaché à Dieu, vous êtes resté à Jésus-Christ, vous n'êtes pas souillé avec d'autres femmes. qui veut dire d'autres religions, d'autres spiritualités. Donc, il dit les 144 000 ici, ce sont ceux, c'est des hommes, moi je dirais c'est des femmes aussi, qui ont gardé la foi, qui ne se sont pas affiliés, chapitre 3, avec Balaam, avec les Nicolaïtes, qui ont des doctrines de démons. Ils sont restés attachés au Christ, ils sont purs, ils sont vierges dans ce sens-là. Là, il dit ensuite quoi? Ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés. Donc, c'est des sauvés, hein? C'est ceux qui ont été sauvés. D'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, ils ont été sauvés d'entre les Juifs? Non, d'entre les hommes de la terre. Donc, c'est des gens qui ont été sauvés parmi les hommes de la terre, qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui ont gardé la foi malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré la mort qui est venue. Ils ont gardé la foi, ils ne se sont pas vautrés devant d'autres religions ou d'autres prostituées spirituelles. Vous me suivez? Parce que si on dit que c'est des Juifs, de façon littérale, on a un problème. On aurait un problème si ce serait juste des Juifs. En tout cas, moi, j'aurais un problème d'interprétation. Je dirais, mais c'est qui, ça, ce gagne-là? Il y a juste eux autres qui suivent Jésus. Il y a juste eux autres qui sont purs, qui sont vierges, juste eux autres qui n'ont pas eu de femme. Puis je vous dis, je ne vous en veux pas, si vous connaissez ça. Je connais des chrétiens qui croient ça. Que les 144 000, c'est juste des hommes, juste des Juifs qui n'ont jamais été mariés. Que Dieu va utiliser. Pareil comme s'il y avait une gloire quelconque à être un homme, au lieu d'être une femme. Puis une gloire d'avoir pas connu de femme. Il n'y a pas rien de spirituel là-dedans. Là. C'est pas hey, moi, je suis un homme, je n'ai pas touché aucune femme de ma vie, donc je suis meilleur que les autres hommes, je suis plus saint, je suis plus... Voyons donc. Où est-ce qu'on va chercher ça dans la Bible? Il n'y a aucun enseignement là-dessus dans la Bible. On retourne au chapitre 7. Les 144 000, hein, il dit, j'entendis le nombre de 144 000, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Et là, moi, je crois que ça représente les sauvés. Vraiment, c'est ce qu'il dit au verset, ensuite, il dit, « Et je regardais. » C'est pareil comme s'il avait entendu une voix, il a entendu un nombre, et là, il se retourne pour regarder c'est qui, ça, ce gagne-là. Et là, il regarde, à partir du verset 9, il dit, « Après cela, j'ai regardé. » Avant ça, il dit, « J'ai entendu. » Maintenant, il dit, « Je regarde. » Et qu'est-ce qu'il voit? Une grande foule. Une foule de toutes les nations. De toutes tribus, de toutes langues. C'est des gens de toutes les tribus. Ces 144 000-là sont représentés par des gens de toutes les tribus, de toutes les nations, hommes, femmes, enfants, tous les gens qui ont été sauvés. Et qu'est-ce qui caractérise ces gens-là? Qu'est-ce qui les unit ensemble? C'est qu'ils ont tous une robe blanche. Ils ont tous lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils sont tous pareils à cause de ça. Et il dit, d'où viennent-ils? Ils viennent de la grande tribulation. C'est quoi ça, la grande tribulation? Deux interprétations possibles. Il y en a qui disent, la grande tribulation, c'est les sept ans qui vont venir avant le retour de Jésus. Moi, je dis que la grande tribulation, personnellement, c'est le temps de l'Église. C'est le temps de la grâce, mais c'est aussi le temps de la tribulation. Ils sont morts, tous ces gens-là, ils sont morts persécutés, ils sont morts, ils ont été rejetés, ils ont été identifiés, ils ont été scellés pendant le temps de la grande tribulation. Parce que vous savez, l'Église a subi les tribulations de tous les temps. De tous les temps. Et qu'est-ce qui va nous arriver à ces gens-là? Ils vont être emmenés dans le ciel, dans la présence de Dieu. Et Dieu va effacer de leur figure toutes les traces de pleurs, de tristesse, toute l'âme, il va veiller sur les autres, il va prendre soin des autres, il va prendre soin des autres comme un berger prend soin de ses brebis et son troupeau. Ils vont être avec lui pour toujours dans le ciel. Donc ces 144 000-là, ici, selon ma compréhension, et cette grande foule-là, c'est ceux qui sont marqués d'un sceau afin qu'ils évitent le temps des jugements. C'est ma compréhension la plus simple. Puis il ne faut pas manquer de tout, peu importe les autres interprétations que vous pourriez avoir et que vous pouvez garder. Mais il ne faut pas manquer le bateau qu'ils ont été marqués pour éviter les jugements et pour être emmenés dans le ciel avec Dieu. Et ce sceau-là, selon ma compréhension, c'est le Saint-Esprit. Et ils l'ont reçu parce qu'ils ont été lavés dans le sang de l'agneau. On termine en priant. notre Père du ciel. Ça me réjouit de regarder cette grande foule-là qui t'adore, qui te loue. Chacun de nous ce matin, qui avons été scellés du Saint-Esprit, chacun de nous qui sommes tes enfants, Jean nous a vus dans cette foule-là. Parce que Jean a vu tous ceux qui ont été sauvés de tous les temps, qui sont devant le trône de Dieu et qui adorent Dieu. Donc on était là, nous autres aussi, dans cette foule-là, dans cette vision-là. Et je suis content de savoir, Père éternel, que pendant l'éternité, je vais être devant toi. Et je vais te servir. Je vais chanter des louanges à toi et à l'agneau. On va chanter ensemble ce cantique nouveau que personne ne connaît. Accepter les sauver et racheter. Seigneur, nous avons hâte que ce jour vienne. Nous avons hâte que ce jour vienne. Où est-ce que nous allons pouvoir te voir face à face? Si je peux dire ainsi, te serrer la main, te donner la bise et te remercier pour un si grand salut. Seigneur, nous partons chacun chez nous. Il t'a fait de nous des lumières. Nous voulons être des lumières dans ce monde cette semaine, encore une fois, ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. Nous voulons être des lumières pour que quelques-uns puissent la voir et venir à toi, être sauvés, rachetés, être lavés, et qu'ils puissent eux autres aussi être marqués d'un sceau afin d'éviter le jugement de Dieu. Donc, Seigneur, dans chacun de nos petits coins, Mont-Tremblant, Conception, Saint-Faustin, Sainte-Lucie, tous les autres petits villages qui l'entourent, on va être des lumières là, afin que quelques-uns puissent trouver la voie jusqu'à toi. Utilise-nous, Seigneur, et glorifie-toi par nous. Au nom de Jésus, amen. On va chanter le dernier cantique, si vous voulez bien. Ton grand amour. Je pense que c'est un nouveau pour la plupart d'entre vous, mais ce n'est pas compliqué à apprendre.